الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اختفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب التيمم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. Donc aujourd'hui le chapitre du tayammum. Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a vu un homme qui s'était écarté et qui n'avait pas fait la prière avec les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a alors dit: ô un tel, qu'est-ce qui t'empêche de faire la prière avec le groupe de musulmans? L'homme a dit: ô messager d'Allah, je suis en état de janaba et je n'ai pas trouvé d'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: alayka bis sa'id fa innahu yakfik, c'est-à-dire utilise la terre et cela t'est suffisant, c'est-à-dire fais le tayammum et cela te sera suffisant. إذن معنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى ما يسمى بالتيمم. التيمم في اللغة العربية بمعنى القصد. قال الله تبارك وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. يعني لا تقصدوا، إذا أردتم أن تتصدقوا لا تقصدوا الخبيث من الثمار ومن الملابس ومن الأموال. كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أناس إذا طلب منهم أن يتصدقوا يأتون مثلا بالتمر الردي، ما كيجيبوش الجيد ولا المتوسط. الله عز وجل قال لهم: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي، يعني أنتم أصلا هذا التمر ما كنتوش هتأخذوا. الله عز وجل أمرهم بالتوسط، الإنسان أن يتصدق لا يتصدق بنفائس أمواله، ولكن يتصدق بالمتوسط. وقال الله عز وجل: ولا آمين البيت الحرام، يعني قاصدي البيت الحرام. فمعنى التيمم القصد، وفي الشرع هو يعني التعبد لله تبارك وتعالى بقصد الصعيد الطيب بمسح الوجه واليدين، وهو من خصائص هذه الأمة. سيأتينا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهرا. فالتيمم من خصائص أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يوجد ذلك عند أهل الكتاب بخلاف الوضوء. يعني مر معنا أن الأمم السابقة كان عندهم ما يسمى بالوضوء. ذكرنا حديث إبراهيم عليه السلام مع زوجته سارة، يعني عندما يعني ذهبت عند الجبار من الجبابرة فتوضأت وصلت، وذكرنا قصة جريش العابد عندما كسروا له سمعته فتوضى وصلى. فالوضوء كان موجودا في الأمم السابقة، أما التيمم لا يوجد، هذا من خصائص هذه الأمة. دونك التيمم دونك كم toutes les adorations التيمم دونك il a un sens dans la langue arabe avant même que l'islam arrive et un sens donc religieux, un sens islamique. Al-tayammum dans la langue arabe, ça veut dire al-qasd, c'est-à-dire le fait de désirer quelque chose. Allah dit dans le Coran: wala tayammamul khabith, Allah Azza wa Jal, il interdit les musulmans de donner en sadaqa des choses de mauvaise qualité. Car donc il y avait donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des gens lorsqu'il leur était demandé de faire des dons, ils ramenaient des choses de mauvaise qualité. Des dattes de mauvaise qualité, des vêtements de mauvaise qualité, toute richesse de mauvaise qualité. Allah Azza wa Jal leur a dit « وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ » Et ces mêmes choses que vous donnez en sadaqa, vous-même, vous ne les aurez pas acceptées si on vous les avait données. Également, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا آمِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ. C'est-à-dire, au début de surat Al-Ma'ida, il demande aux gens donc de respecter les gens qui se dirigent vers la maison sacrée. Et donc, religieusement, At-Tayammum, donc c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en se dirigeant vers As-Sa'id, At-Tayyib, c'est-à-dire tout ce qui monte à la surface de la terre, comme la terre, comme le sable, comme les cailloux, les rochers, etc., etc. Donc, pour passer cette chose-là sur le visage et sur les mains. Et tayammum, donc également, c'est parmi les choses spécifiques à notre communauté, aux musulmans. Vous ne trouverez pas ça chez les gens du livre, les juifs et les chrétiens. Au début donc de ce livre, lorsqu'on a parlé des ablutions, nous avions dit que les ablutions étaient une chose présente, même dans les nations passées. On avait cité le hadith où Ibrahim alayhi salam, donc lorsqu'il avait émigré avec sa femme Sarah, et qu'ils étaient rentrés dans un village, et que le chef du village, le roi du village, avait décidé donc, lorsqu'il avait entendu que Sarah était rentrée, donc de la faire venir à lui pour pouvoir abuser d'elle. Bref, à un moment de l'histoire, le hadith il est dans le Bukhari ou Muslim, elle s'est levée, elle a fait ses ablutions et elle a fait la prière. Et également, on avait cité le hadith de Jurayj, l'Abid, celui donc qui était dans son monastère et qui priait, et que sa mère était venue l'appeler et qui n'avait pas répondu, et sa mère avait invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en disant Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuh al-mumisat. Ne le fais pas mourir jusqu'à ce que tu lui fasses voir le visage des prostituées. Jusqu'à ce que donc la prostituée vienne, l'appelle et qu'elle ne lui réponde pas, ensuite qu'elle aille commettre la fornication avec un berger, et jusqu'à que les gens, bref, elle tombe enceinte et que les gens pensent que c'est Jurayj qui donc avait commis la fornication avec cette femme et lui avait cassé son monastère. Qu'est-ce qu'il avait fait? Tawadda'a wa salla. Il a fait les ablutions, il a fait la prière. Tout ça pour prouver que donc les ablutions c'était présent même dans les autres nations avant l'islam. Mais at-tayammum c'est seulement pour les musulmans. Donc dans le hadith de Jabir qui va venir, le troisième hadith du chapitre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il m'a été donné 5 choses qui n'a pas été donné à un des prophètes avant moi. Et parmi ces 5 choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Et la terre a été pour moi un endroit de prosternation et une purification. Donc on va parler de cela plus en détail lorsqu'on arrivera à ce hadith. إذن التيمم ثابت بالقرآن وبالسنة وبالإجماع. فالقرآن قال الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أما السنة فمنها أحاديث الباب والأحاديث كثيرة جدا. والإجماع حكى الإجماع الإمام النووي والإمام ابن قدامة رحمهم الله تبارك وتعالى وغيرهما. فلا خلاف في التيمم هو مشروع بشروطه. Donc le tayammum prouve son aspect donc légitime en islam, le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ijma. Donc il y a consensus sur cela. Allah dans le Coran il dit: si vous ne trouvez pas d'eau parce que vous voulez faire la prière, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, c'est-à-dire dirigez-vous vers donc les choses qui sont à la surface de la terre et passez donc cela sur vos visages et sur vos mains. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, également il y a beaucoup de hadiths parmi cela, les hadiths, les 3 hadiths qu'a cité l'auteur, et l'ijma également, il y a consensus, il n'y a pas divergence sur la légitimité de faire at-tayammum lorsque les conditions sont réunies. سبب مشروعيته أن لكل شيء سبب للمشروعية. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش يعني مكان ما بين مكة والمدينة انقطع عقد لي يعني عقد كان في عنق عائشة انقطع فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء ما عندوش الماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم نائم على فخذي عائشة رضي الله عنها قد نام فقال لها يعني أبو بكر قال ابنته عائشة حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي يطعنها هنا بيده يعني عتابا لها فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي هي ما تحركتش النبي صلى الله عليه وسلم نايم عليه على فخذها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله عز وجل آية التيمم فتيمموا فقال فقام رجل اسمه أسيد بن الحضير فقال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر فقالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته وفي رواية قال أسيد بن الحضير لعائشة رضي الله عنها جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا La cause qui a fait que le tayammum donc soit permis aux musulmans. Donc l'eau a été instituée en même temps que la prière. Donc l'obligation de faire l'ablution en même temps que la prière. Et tayammum c'est arrivé un peu plus tard. Dans les deux sahih, Al-Bukhari et Muslim, Aisha radiallahu anha a nous dit, nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un de ses voyages. Jusqu'à ce que lorsque nous sommes arrivés à un endroit qui s'appelle Al-Bayda, donc un endroit entre la Mecque et Médine, un collier à elle s'est une qata'a, donc il s'est cassé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc s'est mis à le rechercher et les gens également se sont mis à le rechercher. Mais ils n'avaient pas d'eau. L'endroit où ils se sont arrêtés pour rechercher le collier de Aïcha radiallahu anha, il n'y avait pas d'eau. Les gens ils sont alors venus à Abu Bakr en lui disant ne vois-tu pas ce qu'a fait Aïcha, c'est-à-dire elle a obligé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les gens donc à chercher son collier alors qu'il n'y a pas d'eau à cet endroit. Abu Bakr s'est rendu vers Aïcha radiallahu anha et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait posé sa tête sur les cuisses de Aïcha et il était en train de dormir. Abu Bakr, donc son père, a alors dit, donc tu as bloqué Abu Bakr, tu as bloqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as bloqué les gens alors qu'ils n'ont même pas d'eau. Donc si la prière arrive, ils ne pourront même pas faire les ablutions. Et Abu Bakr donc a blâmé sa fille radiallahu anha. Même qu'il a كان يطعنها يعني il lui mettait comment on peut dire en français hein voilà avec sa main il lui mettait des petits coups dans la hanche donc pour la blâmer et Aïcha radiallahu anha a dit la seule chose qui m'a empêché de bouger lorsque donc il lui faisait cela c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc était endormi sur ses genoux. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc s'est réveillé le lendemain matin et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset qui permet aux gens de faire le tayammum. Donc à partir de ce moment-là, il était permis donc aux musulmans, lorsqu'ils ne trouvaient pas d'eau, donc de faire ce que l'on appelle at-tayammum. Et les gens ont remercié Aïcha radiallahu anha et la famille de Abu Bakr radiallahu anhu. Jusqu'à que Usayd ibn al-Khudayr, ils disent même ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakr. C'est-à-dire c'est pas la première baraka qui provient de votre famille aux familles de Abu Bakr. Aïcha dit ensuite, donc nous avons ensuite fait lever le chameau sur lequel j'étais et nous avons trouvé le collier donc en dessous de celui-ci. Et dans une autre version, Usayd ibn al-Khudayr vient dire à Aïcha qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense en bien car il n'y a pas un seul problème donc, qui t'arrive sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de ce problème un bien pour toi et pour les musulmans. Donc ça c'était la cause qui a fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala permette aux gens donc, de faire at-tayammum lorsque ils n'ont pas d'eau. متى يشرع التيمم متى يجوز لك أن تتيمم الحالة الأولى عند عدم وجود الماء إذا عدم وجود الماء شخص ليس معه ماء فطلبه فلم يجده فلا بد من الطلب ماشي الإنسان يقول ما عنديش الماء وفي داره قطعوا لي الماء يتيمم لا يمكن كان الماء عند جارك يمكن عندك الماء في الثلاجة يمكن تمشي تشري الماء يعني حتى في المحل لا بد من طلب الماء فالشخص الذي انقطع عنده الماء في الدار يعني ممكن يمشي يجيب الماء عند جيرانه ممكن يمشي يشري فلا يجوز له ان يتيمم مفهوم فلا بد من الطلب فاذا طلبه الانسان فلم يجده جاز له ان يتيمم مفهوم لا بد من الطلب يقول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا هذه الحالة الأولى التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك إذا خاف الرجل العطش معه ماء وكان هذا الماء أن يشربه فهو يخاف إن توضأ به أن يحس بالعطش لأنه ماءه قليل فهذا جاز له أن يتيمم وهذا بالإجماع يقول ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم طيب شخص ليس معه ماء وكن وجده يباع عليه أن يشتري مفهوم إن كان ما يكفي للشراء فإن لم يكن لديه ما يكفي للشراء فإنه يتيمم لأنه حكمه حكم فاقد الماء كذلك من خاف من البرد يعني من خاف من البرد جاز له أن يتيمم عن عمر بن العاص رضي الله عنه يقول احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر أصليت بأصحابك وأنت جنوب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا النبي صلى الله عليه وسلم أقره على فعله ذلك وكذلك من خاف أن يصيبه ضرر إن استعمل الماء يعني شخص مثلا لو جرح مجروح لو استعمل الماء مثلا توضأ بصفة عادية قد يزداد يعني الضرر بجرحه أو قد يتأخر البرء، ففي هذه الحالة يجوز له أن يتيمم، يجوز له أن يتيمم. ولهذا ثبت في سنن أبي داود أن رجلا خرج مع الصحابة رضي الله عنهم في غزوة من الغزوات، والرجل شج رأسه جرح في رأسه، ثم نام الصحابة رضي الله عنهم فأجنب الرجل أصابته جنابة، عندما أصبح سأل عن حكمه، ماذا أفعل؟ أنا الآن جنب، علي الاغتسال، ولكنني أنا رأسي مشجوج مجروح. فقالوا له لا نجد لك رخصة، صرت تغتسل. فاغتسل الرجل فمات. ثم عندما رجعوا إلى المدينة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. هؤلاء الذين أفتوا بالاغتسال لماذا؟ يعني لم يسألوا إذا لم يعلموا. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا لا أمر الرجل بالتيمم، لأنه قد مات بسبب جرحه. Donc les cas où il est permis de faire le tayammum. Le premier cas, lorsqu'il n'y a pas d'eau. La personne se retrouve à un endroit où il n'y a pas d'eau. Il faut obligatoirement rechercher l'eau. Il ne suffit pas de regarder autour de soi, il n'y a pas d'eau, donc je fais le tayammum. Non, il se peut que à quelques mètres, ou bien pas très loin, il y ait de l'eau. Il se peut que tu puisses aller acheter de l'eau. Ce n'est pas une personne, il y a une coupure d'eau à la maison, fais TMO. Là, il y a peut-être de l'eau dans ton frigo, il y a peut-être de l'eau chez tes voisins, il y a peut-être de l'eau à l'épicerie. Donc ça, il faut obligatoirement rechercher l'eau. Et si après avoir recherché l'eau, la personne se rend compte que il n'y a pas d'eau et qu'il n'y aura pas d'eau même dans un futur proche, la personne à ce moment-là, elle fait TMO. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنْ فَتَيَمَمَ. Vous ne trouvez pas d'eau, à ce moment-là, faites le tayammum, comme cela est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith que nous venons de citer. Également, si la personne donc possède de l'eau, en général pour les gens en voyage, elle possède une quantité d'eau, mais cette quantité d'eau est destinée pour boire, est destinée donc pour la boisson du voyageur. Et qu'il craint que s'il fait l'eau d'eau avec cette eau, qu'il meure de soif, ou bien qu'il subisse la soif, il peut à ce moment-là faire le témo. Adab al-Ijma' sans divergence chez ça. Également, admettons que la personne ne trouve pas d'eau, mais qu'il trouve de l'eau qui se vende, si elle a la somme pour acheter cette eau, il lui faut l'acheter, même si c'est cher. Même si c'est cher, il faut qu'elle l'achète et ensuite elle fait l'eau d'eau. Et si c'est donc c'est au-dessus de ce qu'elle possède, à ce moment-là, elle fait le tayammum. Également la personne donc qui craindrait le froid. Une personne qui craindrait le froid, comme cela est arrivé à Amr ibn al-As, il nous dit donc une nuit très froide. Donc il m'est arrivé donc ce que l'on appelle al-ihtilam. Donc dans la bataille de Ghazwat Zat al-Salasil, et j'ai craint que si je faisais les grandes ablutions de mourir à cause du froid. Il a fait donc le tayammum et il a guidé la prière. C'est pas seulement il a fait le tayammum, il a prié, il a même fait la prière avec donc les gens qui étaient avec lui. Ceux qui étaient avec lui, ils ne se sont pas sentis à l'aise. C'est alors ils ont, en rentrant à Médine, ils ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant un tel il a fait la prière avec at-tayammum en tant que imam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit ô Amr, c'est vrai que tu as guidé la prière en étant en état de janaba. Amr a alors dit Alors leur expliquer au prophète sallallahu alayhi wa sallam la chose qui lui avait empêché de faire les grandes ablutions. Et il a dit, j'ai entendu Allah subhanahu wa ta'ala dire, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Ne vous tuez pas vous-même, Allah subhanahu wa ta'ala est certes miséricordieux pour vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors souri et il ne lui a rien dit. Donc il a approuvé donc ce qu'avait fait Amr, c'est-à-dire le fait de faire le tayammum lorsqu'il a eu peur du froid. Également, si la personne donc est malade ou bien blessée et craint que si elle utilise l'eau, cela augmente sa maladie ou bien retarde la guérison, ou bien que cela empêche la cicatrisation d'une blessure par exemple, à ce moment-là la personne a fait at-tayammum. Donc dans Sunan Abi Dawud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé un groupe de compagnons en bataille et un homme a été blessé à la tête. Donc les compagnons radiallahu anhum ont dormi pendant la nuit et le lendemain matin, ce même homme qui avait été blessé à la tête donc s'est retrouvé en état de janaba par l'irtilal. Il a alors demandé donc aux gens qui étaient avec lui, aux compagnons, que doit-il faire? C'est-à-dire, il doit faire l'irtisal du fait qu'il est en état janaba, mais en même temps il est blessé à la tête. Les compagnons à qui il a posé la question, ils lui ont dit, nous ne voyons que le fait que tu doives obligatoirement faire l'irtisal. Il les a écoutés, il est parti faire l'irtisal et il est mort. En retournant à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé de cela. Il a alors dit, قَتَلُوهُ, ils l'ont tué. C'est ceux qui lui ont répondu, ils l'ont tué, قَتَلَهُمُ اللَّهُ, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les combatte. أَلَا سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا, pourquoi n'ont-ils pas demandé lorsqu'ils ne savaient pas? Alors qu'ils ne savaient pas le statut de cela, pourquoi ils n'ont pas demandé à d'autres personnes qui savaient? إِنَّمَا شِفَاءُ لَيْهِ السُّؤَلُ, la guérison de l'ignorance c'est la question. Donc lorsque la personne elle ignore quelque chose, il faut qu'elle pose la question. Parce que parfois, donc, une ignorance, ça peut mener aussi loin que ça. Qu'une personne meurt à cause, donc, d'une mauvaise réponse que l'on donne à une personne. Donc, si la personne, donc, craint, donc, pour sa maladie, pour sa blessure, ou toute autre chose, il lui est permis, donc, de faire at-tayammum. هناك مسألة قبل أن نبدأ في الحديث, هل التيمم مبيح أو رافع؟ من يسمح لك أن تصلي أو يرفع الحدث؟ يعني في هذه المسألة تفصيل. لو قلنا مبيح يعني لا يجوز لك, يعني كأنه مبيح للضرورة, فلا يجوز لك أن تصلي عدة صلوات بتيمم واحد, وإذا خرج الوقت لابد أن تتيمم مرة أخرى. وإن قلنا رافع فهناك رافع مطلق وهناك رافع مؤقت. أن رافع مطلق كان أن نقول ارتفع الحدث بالكلية حتى بعد ذلك لو وجدت الماء لا يجب عليك أن تغتسل. لو قلنا مؤقت هو رافع يعني إلى أن تجد الماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر, السعيد الطيب وضوء المؤمن 10 سنين إن لم يجد الماء. 10 سنين لما عندكش الماء يجوز لك أن تتيمم, 10 سنين ولو أكثر حتى أكثر. فإذا وجد أحدكم الماء فليتقي الله وليمسه بشرته. ولكن إذا وجد أحدكم الماء فليتقي الله تبارك وتعالى وليمسه بشرته. فهذا الحديث يدل على أن التيمم رافع مؤقت, مفهوم؟ فيجوز لك أن تتيمم, ولكن عندما تجد الماء لابد أن تتوضأ للصلوات المقبلة. طيب شخص جنوب الآن, شخص جنوب كما في الحديث, طيب إذا تيمم إذا وجد الماء بعد ذلك مثلا شخص في صلاة الصبح تيمم ما وجد ماء، ثم قبيل الظهر وجد الماء، هل يغتسل؟ لا بد أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث لم يذكر مؤلف، والحديث حديث طويل في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم أني بعد هذا أني التمسوا الماء فوجدوا ماء فأعطوا النبي صلى الله عليه وسلم أني دلوا من ماء، فقال اذهب فأفرغه عليك، اذهب فأفرغه عليك، رغم أن الرجل أني قال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك، أني في هذا الوقت، أما إذا جاء الماء لابد أن تغتسل. دونك التيمم اسكو إل nous permet donc de faire la prière, ou bien est-ce qu'il enlève la souillure majeure ou bien mineure? Donc si on dit que c'est seulement une autorisation pour faire la prière, donc il faut faire at-tayammum pour chaque prière, at-tayammum pour lorsque une nouvelle heure de prière arrive, également si on fait at-tayammum pour faire une salat nafila, il faut qu'on fasse at-tayammum pour faire la prière juste après obligatoire, parce que la prière obligatoire est plus haute. Si on fait également at-tayammum pour toucher le mushaf, il faut qu'on refasse at-tayammum pour faire la prière surérogatoire. Donc c'est comme si c'était une surérogation, une chose liée à une darura, c'est-à-dire un cas de nécessité. C'est-à-dire on ne peut pas faire plus que la nécessité. Ou bien est-ce que at-tayammum enlève la souillure tant qu'il n'y a pas d'eau? Il y a un hadith de Abu Zar al-Ghifari radiyallahu an, Jundub ibn Junada, dans As-Sunan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que at-tayammum c'est la purification de l'un d'entre vous 10 ans s'il ne trouve pas d'eau. C'est-à-dire pendant 10 ans, même si tu ne trouves pas d'eau, tu peux faire at-tayammum sans aucun problème. Mais le prophète dit ensuite فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْمَاءِ, lorsque l'un d'entre vous arrive à trouver de l'eau, qu'il craigne Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il donc fasse ses ablutions. فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ. Donc la personne, elle peut faire التيمم comme les ablutions. C'est-à-dire que les mêmes choses qui annulent التيمم, ce sont les mêmes choses qui annulent les ablutions. En rajoutant en plus وجود الماء également si l'eau arrive il n'y a plus de thème. وكذلك زوال المرض, le fait que la maladie s'en aille, pour une personne qui faisait tayammum pour maladie, lorsque c'est fini il faut qu'elle fasse les ablutions. Mais sinon les mêmes choses qui annulent le tayammum, ce sont les mêmes choses qui annulent les ablutions. C'est-à-dire je peux faire tayammum, je reste en état de pureté tant que malam uhdith, tant que donc je ne vais pas faire mes besoins, tant qu'il n'y a pas de flatulence, tant que je ne dors pas, etc. Comme les ablutions, donc c'est la même chose. Le fait que ça remplace les ablutions, ça prend le même statut. نأخذ الحديث الذي معنا عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال عمر بن حسين هو من الصحابة المشهورين رضي الله عنه، وأني أرسله أني عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقيه أهل الكوفة، وكان أني الملائكة تسلم عليه، هذا الصحابي كان الملائكة تسلم عليه، ثم يوما من الأيام أني اكتوى، أني استعمل ما يسمى بالكي، يعني هو يعني تحمي أو تحمي قطعة من حديد ثم تضعها في بعض أماكن جسدك للاستشفاء. فعندما اكتوى يعني توقفت الملائكة عن السلام عليه، فترك الاكتواء فعادت الملائكة تسلم على هذه مناقبه رضي الله عنه. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. هذا الحديث يعني حديث طويل كما قلنا في الصحيحين، وقصة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان قد سافر بأصحابه في الليل، يعني حتى إذا كان يعني في وجه الصبح عرسنا فغلبتنا أعيننا، يعني ناموا حتى بزغت الشمس، حتى طلعت الشمس، يعني معنى ذلك أنهم لم يستيقظوا لصلاة الصبح. فكان أول من استيقظ أبو بكر، وكنا يعني الصحابة لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام، كانوا يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم لا يوقظونه إذا نام حتى يستيقظ. ثم استيقظ عمر فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال: ارتحلوا، علينا أن نغير المكان. يقول: أن هذا مكان حضر فيه شيطان. فسار بنا حتى إذا بيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة، يعني صلاة الصبح. فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا، فلما انصرف قال له صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما منعك أن تصلي معنا؟ الحديث الذي معنا. Donc le hadith de Imran ibn Hussein radiyallahu anh, donc il a vu un, le prophète sallam a vu un homme donc s'étant écarté et n'ayant pas fait la prière avec les gens. Le prophète sallam lui a dit: oh, un tel, que n'as-tu pas à avoir prié avec donc les musulmans? L'homme a dit: oh prophète, je suis en état de janaba et je n'ai pas trouvé d'eau. Le prophète sallam lui dit: alayka bis-sa'idi fa innahu yakfi, c'est-à-dire tu peux utiliser la terre et cela te sera suffisant. Ce hadith, même si l'auteur du livre n'a cité que trois lignes, c'est un long hadith dans Al-Bukhari ou Muslim. Donc ce hadith, il a une histoire, c'est-à-dire une histoire au début qui nous montre pourquoi cet homme donc était écarté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voyagé avec ses compagnons donc pendant la nuit. Donc ils ont avancé pendant la nuit en essayant donc de rentrer à Médine. Et peu avant Sopre, ils se sont endormis. Jusqu'à même que le soleil s'est levé. Donc ils ont manqué la prière de l'aube. Le premier qui s'est réveillé, c'est Abu Bakr radiallahu anhu. Il nous dit: et nous ne réveillions pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dormait, jusqu'à ce qu'il se réveille de lui-même. Ensuite Omar s'est réveillé et il s'est mis debout à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Allahu Akbar à haute voix, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réveille. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a levé sa tête et qu'il a vu le soleil s'étant levé, il a alors dit irtahilu, il faut que nous changions d'endroit, car c'est un endroit donc hadara fihi ash-shaytan, où le diable a été présent. Le prophète donc a continué avec ses compagnons jusqu'à ce que le soleil devienne blanc, encore plus que lorsqu'ils se sont réveillés. Le prophète donc s'est ensuite arrêté et a fait avec eux la prière donc du Sobh, donc en groupe comme si il l'avait fait à l'heure. C'est alors que donc un homme donc s'est écarté et n'a pas prié avec eux, et le prophète lui a demandé: qu'est-ce qui t'empêche de ne pas faire la prière avec nous? L'homme lui a dit: je suis en état de janaba et je n'ai pas trouvé d'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: utilise donc la terre, cela t'est suffisant. إذن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني عليك بالصعيد، يعني إلزم الصعيد فإنه يكفيك. فالتيمم يكون للحدث الأصغر والحدث الأكبر. فالرجل هنا كان يعرف أنه يجوز له أن يتيمم في الحدث الأصغر، ولكن كان يجهل أنه يجوز له ذلك في الحدث الأكبر. والذي يدلنا أن الرجل كان يعرف يعني حكم التيمم في الحدث الأصغر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له الكيفية، إنما قال له إنما عليك بالصعيد فإنه يكفيك. لو كان يجهل حكم التيمم وصفة التيمم، يعني أصلا لبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الكيفية، يعني تضرب بيديك كما سيكون في حديث عمار بن ياسر، تضرب بيديك وتضرب لوجهك وكفك. الرجل كان يجهل أنه يجوز له أن يتيمم في إذا أصيب بالحدث الأكبر، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ذلك في حديث مضى، النبي صلى الله عليه وسلم يعني سأل الرجل قبل أن يعاتبه، كما ذكرنا ذلك في حديث أبي هريرة عندما قال له أين كنت يا أبا هريرة؟ قال إني كنت جنبا وكرهت أن أجالسك وأنا على غير الطهارة، فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس أو إن المؤمن لا ينجس. فالنبي صلى الله عليه وسلم دائما كان لا يبادر بالعتاب حتى يسأل الرجل، ماشي بحالنا احنا مباشرة يعني نعاتب الناس مباشرة، اسأل لعله له مبرر، لعله له سبب، يعني لماذا لم يصلي مع الناس، لماذا يعني اختفى أبو هريرة رضي الله عنه. فالمسلم دائما قبل أن يعني يبادر بالعتاب أن يسأل. دونك التيمم ça remplace l'eau d'eau et ça remplace les grandes ablutions. Donc, comme on a dit, lorsque les conditions sont requises, dans, lorsque ça rentre dans un cas que nous avons cité, donc le fait de ne pas avoir d'eau, le fait d'être malade, etc. etc. L'homme qui n'a pas prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il connaissait at-tayammum pour remplacer les ablutions, mais il ignorait qu'il était permis de faire le tayammum lorsque l'on est en état de janaba. Prouve cela le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit dans sa réponse? Il lui a dit alayka bis-sa'id at-tayyib fa innahu yakfik, il te suffit d'utiliser la terre, cela te suffisant. Si l'homme ignorait le tayammum de manière globale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plus de cela, lui aurait montré la manière de faire tayammum. Et il lui a dit que même pour janaba tu peux faire at-tayammum. Également, vous remarquerez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme à son habitude, il n'a pas blâmé l'homme jusqu'à ce qu'il le questionne. C'est-à-dire, même lorsqu'il a vu l'homme n'ayant pas fait la prière avec lui, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a tout de suite demandé ma mana'aka an tusalliya ma'al qawm, qu'est-ce qui t'empêche de faire la prière avec les musulmans. On avait vu ça également avec Abu Huraira, lorsque Abu Huraira était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ensuite il s'est éclipsé pour aller faire les al-ghusl. Il lui a dit ayna kunta ya Abu Huraira, où étais-tu parti? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne blâmait les gens qu'après leur avoir demandé la cause de leur acte. Le musulman, lorsqu'il voit même une chose blâmable, il faut tout de suite, d'abord, avant de blâmer les gens, de demander pourquoi ils ont fait telle ou telle chose. Il ne faut pas commencer tout de suite à blâmer les gens parce que peut-être ils ont une excuse, peut-être qu'ils ne connaissent pas le statut de telle ou telle chose. ما يجوز به التيمم. الآن الله عز وجل يقول فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الصعيد هو كل ما تصاعد على وجه الأرض مما هو من جنسها، كل ما تصاعد على وجه الأرض مما هو من جنسها، مثل التراب، مثل الحجر، مثل الرمال إلى غير ذلك. فكل هذه الأمور يجوز لك أن تتيمم بها، مفهوم؟ الله عز وجل يقول الرمل، الرمل السبل، كل ما تصاعد على وجه الأرض وهو من جنسها يجوز لك أن تتيمم به. فلا يلزم أن يكون ترابا ولا يلزم أن يكون رمالا، يجوز لك بكل هذه الأمور. فمن الناس من يتحرج من التراب، لا يبدو أن يقاني مثل هذا الصخرة يعني المدورة، لا مش ضروري، حتى التراب التي برا يعني ممكن أن تتيمم به. حتى الرمال كل ما هو من جنس الأرض. Donc avec quoi il est permis de faire at-tayammum? Allah Azza wa Jalla dans le Coran il a dit fatayammamu sa'idan tayyiba, c'est-à-dire lorsque vous voulez faire tayammum, donc dirigez-vous vers as-sa'id. As-sa'id c'est toute chose qui est à la surface de la terre et qui est de la nature de la terre, comme le sable, les pierres, les rochers, la terre, etc., etc. Donc toutes ces choses-là, la personne peut faire un tayammum avec. Donc il n'y a pas un qui est meilleur qu'un autre. Toutes ces choses-là, il est permis donc de faire un tayammum avec, comme cela est cité dans le Coran. Allah Azza wa Jal, dans le Coran, n'a cité que As-Sa'id, donc ça englobe toutes ces choses-là. كذلك مما ذكرنا يعني مما يبطل التيمم ما يبطل الوضوء يبطل التيمم. فإذا قضيت حاجتك يعني بطل تيممك، وإذا يعني نمت إلى غير ذلك مما يبطل الوضوء. زيد على ذلك وجود الماء، فإذا وجدت الماء يعني بطل التيمم. فشخص مثلا فاقد للماء، بحث طلب الماء فلم يجده، فتيمم يعني وقت الصلاة، ثم قبل أن يصلي وجد الماء، مفهوم؟ شنو يدير؟ يتوضأ. هذا بالإجماع لا خلاف في ذلك. شخص تيمم ما وجد الماء، طلب بحث ما وجد الماء، تيمم صلى ثم بعد الصلاة وجد الماء، ها؟ يعود الصلاة؟ لا يعيد الصلاة. هناك حديث في سنن أبي داود أن رجلين خرجا في سفر وحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، يعني الوقت باقي لهذه الصلاة ولكن وجد الماء، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعيد الآخر، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم، واحد عاود الصلاة وعاد ما عادش، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعيد أصبت السنة، قال الذي لم يعيد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وعاد الصلاة قال له لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين، ولكن إصابة السنة أفضل من إصابة الأجر مرتين. الإنسان لا يعيد الصلاة، وهناك خلاف يعني مشهور في من وجد الماء ولكن أثناء الصلاة وداخل الصلاة وحضر الماء، هذا من قال يعني يكمل صلاته، لأنه قال الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ومن العلماء من قال أن يقطع صلاته ويتوضأ. Donc parmi les choses qui annulent le tayammum, donc ce sont les mêmes choses qui annulent les ablutions que nous avons déjà citées. Rajoutez à cela lorsque l'eau donc arrive, donc que la personne n'avait pas d'eau et que l'eau arrive, le tayammum devient nul. Admettons que la personne, donc, l'heure de la prière arrive, elle n'a pas d'eau, elle recherche de l'eau, elle ne l'a pas trouvée, elle sait qu'elle n'en trouvera pas, même dans 10 minutes, même jusqu'à la fin de l'heure. Donc elle fait tayammum, et avant de commencer la prière, elle trouve de l'eau. Il faut absolument qu'elle fasse les ablutions. Si, à l'inverse, la personne, donc, le même cas, donc elle n'a pas d'eau, elle recherche l'eau, elle fait tayammum, elle fait la prière et après la prière elle trouve de l'eau, est-ce qu'elle doit refaire les ablutions et la prière? Non. Donc la personne a fait ce qu'elle devait faire. Donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait deux hommes donc, qui étaient sortis donc en voyage, et l'heure de la prière est arrivée et ils n'avaient pas d'eau. Ils ont fait le tayammum et ont fait la prière. Après la prière, ils ont trouvé de l'eau, alors que l'heure de la prière n'était pas encore sortie. Un des deux, donc, a fait les ablutions et a recommencé la prière. Et le second s'est contenté de la prière qu'il avait faite avec le tayammum. Ensuite, ils sont rentrés à Médine et ils ont raconté cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit à celui qui n'a pas recommencé la prière, asabta sunnah. C'est-à-dire, toi, tu as suivi la sunnah. Et il a dit à celui qui a recommencé la prière, lakal ajru marratayn. Donc toi, tu auras la récompense de la prière deux fois. Mais les gens qui ont expliqué ce hadith ont dit, isabat sunnah, c'est mieux encore que d'avoir la récompense deux fois. Le fait de suivre la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mieux encore. C'est-à-dire, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait fait s'il avait été à sa place. Donc, ce qui prouve que la récompense est encore plus grande. Et ensuite, donc, il y a une grande divergence sur celui qui trouverait de l'eau, mais en pleine prière. Certains disent qu'il coupe la prière et d'autres disent qu'il finit sa prière. Nakhouz الحديث الثاني شحال بقي وقت بقي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. Donc le deuxième hadith, Ammar ibn Yasir radiyallahu an, il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour m'a envoyé donc dans une affaire et je me suis retrouvé en état de janaba et je n'ai pas trouvé d'eau. Il nous dit, tamarratu fi sa'id, c'est-à-dire qu'il s'est tourné dans la terre. C'est-à-dire il s'est rempli de terre, comme le fait un animal. Ensuite, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a raconté ce qu'il avait fait, et le prophète lui a dit, il t'aurait pourtant suffi de faire avec tes mains ainsi. Le prophète a ensuite posé ses mains sur la terre, donc tapé ses mains sur la terre une fois, et il a passé ses mains sur, il a frotté ses deux mains, فَمَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينَ, il a frotté sa main droite sur sa main gauche sur sa main droite, وَظَهِرَ كَفَّي, et le côté externe des mains et ensuite son visage. Ammar ibn Yasir رضي الله عنه ومن يعني المسلمين الذين أسلموا في يعني أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأمه أول دم أريق في الإسلام يعني قتلها أبو جهل اسمها سمية سمية يعني والدة عمار بن ياسر وعذب كذلك يعني عذابا شديدا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمر به وبآله وهم يعذبون فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا آل ياسر فإن مصيركم الجنة اصبروا آل ياسر فإن مصيركم الجنة كانوا يعذبون في مكة ويوما من الأيام يعني عذبه المشركون عذابا شديدا وطلبوا منه أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يذكر آلهتهم بخير فتحت التعذيب أن امتثل مطالبه مفهوم سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير فأطلقوا ففر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن المشركين عذبوني عذابا شديدا وطلبوا مني أن أسبك وأن أذكر آلهتهم بخير ففعلت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك شنت درت داك الشيء وأنت كاري ولا راضي فقال أجد قلبي مطمئنا بالإيمان. فأنزل الله عز وجل من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الله عز وجل أنزل هذه الآية من سورة النحل بسبب ما حصل لعمار بن ياسر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فعد، إن طلبوا منك أن تسبني وأن تذكر آلهتهم بخير تحت التعذيب طبعا فامتثل ولا تخاف وخذ برخص الله تبارك وتعالى. Donc celui qui a rapporté ce hadith, c'est Ammar ibn Yasir radiallahu anhu. Donc il fait partie des premiers musulmans qui ont embrassé l'islam à la Mecque, lui et ses deux parents, et toute sa famille entière se faisait torturer par les associateurs. Sa mère, Soumeya, est le premier sang qui a été versé dans l'islam. C'est la première martyre de l'islam. C'est Abu Jahl qui l'a tué d'un coup de lance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca, il passait parfois à côté d'eux, lui et sa famille, et il leur disait Isbiru ala Yasir. C'est-à-dire, ô famille de Yasir, patientez, fa inna masirakum al-jannah. Votre destination finale sera le paradis. Et Ammar ibn Yasir est descendu à son sujet, donc un verset très important de Surat al-Nahl. Un jour donc, lorsqu'il était torturé par les associateurs lui ont demandé qu'il insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il vante les mérites de leurs idoles. La torture était trop dure et donc il a donc accepté d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de vanter donc leurs idoles. Et ils l'ont relâché. Il s'est ensuite précipité vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire donc ce qu'il avait fait, qu'il l'avait insulté et qu'il avait cité leurs idoles en bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: comment trouves-tu ton cœur? C'est-à-dire, lorsqu'ils t'ont demandé ça, est-ce que ton cœur avait approuvé cela ou bien est-ce que tu l'as fait ça sous la torture? Il lui a dit: ani mutma'innun bil iman, mon cœur est apaisé par la foi. C'est-à-dire que jamais les choses que j'ai pu dire ne sont rentrées dans mon cœur. C'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le verset de surat al-Nahl où Allah dit: man kafara min ba'di imanihi, celui qui mécroit après sa foi, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, sauf celui qui fait cela sous la contrainte et son cœur est apaisé par la foi. Donc c'est ce qui était arrivé à Ammar ibn Yasir, jusqu'à ce que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dise fa in adu fa'ud, c'est-à-dire s'il recommence à te torturer, à te demander de faire telle ou telle chose, donc accepte donc ce qu'il te demande de faire et il n'y a aucun péché à cela. يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، يعني أصابت جنابة فلم أجد الماء طبعا بعد الطلب. يقول فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الداب. الآن عمار بن ياسر يعرف الوضوء ويعرف التيمم، يعرف أن في الوضوء تغسل بعض أعضاء جسدك، مفهوم؟ تغسلوني وجهك وكفيك ورجلك. كذلك التيمم في الحدث الأصغر تغسل بعض أعضائك. فهو لما أصابته جنابة يعني عمل ما يسمى بالقياس، يقول في الوضوء للحدث الأصغر يعني نغسل بعض أجزائنا، وفي التيمم نمسح بعض أجزائنا، في الغسل نعمم البدن بالماء، ففي الحدث الأكبر بدون ماء لابد من تعميم البدن بالتراب. مش مفهوم هو كيفاش فكر؟ ولهذا وتمرغ في الصعيد كما تفعله الدابة. فالظاهر أنه لم يذكر هنا ولكن صلى. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فالصحابة رضي الله عنهم وإن كانوا يجتهدون أحيانا إن لم يكن لديهم نص، ولكن لابد بعد ذلك أن يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم للتأكد من يعني أفعالهم. يعني ماشي إنسان يعني يتمرغ في الصعيد ويمشي تلقى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يدوش معه. لا، الصحابة رضي الله عنهم دائما تجدون فرجعنا فذكرنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. شحال من حديث كثير، كل ما يحدث للصحابة رضي الله عنهم خارج المدينة فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له. فالصحابة دائما يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, Ammar ibn Yassir nous dit que le prophète l'a envoyé pour une affaire. Et il est tombé en état, il s'est retrouvé en état de janaba. Et donc, il s'est complètement rempli de terre comme le fait une bête. Ammar ibn Yassir, pourquoi a-t-il fait cela? Ammar ibn Yassir l'a observé al-wudu et il a observé al-tayam. En ce qui concerne la petite souillure, al-hadith al-asrar. Donc il s'est dit que lorsqu'on fait les ablutions, on lave certains membres de notre corps. Lorsqu'on fait al-tayammum, on frotte certains membres de notre corps. Pour le ghusl, avec l'eau, on remplit notre corps d'eau. Il faut que tous les endroits du corps aient été atteints par l'eau, pour que le ghusl soit valable. Et il s'est dit que pour le tayammum, ça va être la même chose. Je suis en janaba, je n'ai pas d'eau, je vais faire tayammum d'une manière proche du ghusl. Donc il s'est complètement tourné dans la terre afin que son corps soit rempli de terre. Et ensuite, donc, en revenant à Médine, il a raconté cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous remarquerez que les compagnons radiallahu anhum, donc, lorsqu'ils ne sont pas en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils font ce que l'on appelle al-ijtihad. Ils font un effort de compréhension. Ils essayent de trouver une solution à leur problème. Mais malgré cela, lorsqu'ils font une chose, ils reviennent tout de suite au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour être sûrs de la validité de leur acte. C'est-à-dire, il ne fait pas, il se tourne dans la terre, ensuite il revient à Médine, il passe à côté du prophète sallam comme si de rien n'était. Dans de nombreux hadiths, toutes les choses qui se passent en dehors de Médine, en général vous trouverez فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَا. En revenant à Médine, on a raconté cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَقَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَن تَقُولَ أَن تَفْعَلْ بِيَدَيْكَ هَكَذَا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. يعني إنسان ينوي التيمم ويسمي يعني قياسا على الوضوء، يقول بسم الله، يضرب يديه بالأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين، الشمال على اليمين، وظاهر كفيه كهكذا، ووجهه هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر. Donc la manière de faire le tayammum. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a ensuite dit il t'aurait suffi pourtant donc de faire ainsi avec tes mains. Il a alors frappé avec ses mains sur la terre une seule fois et il a ensuite frotté sa main droite sur sa main gauche et en frottant également le dessus de ses mains. Et ensuite, il a passé ses mains sur son visage. طيب الله عز وجل في القرآن يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وهنا مسح الشمال اليمين وظاهر كفيه وجهه. يعني قدم اليدين على الوجه. من العلماء من قال أن الواو هنا ليس للترتيب، أن الواو في العربية ليس للترتيب. لو قلت لك جاء زيد وعمر ما كان عرفوش كون جاء الأول. فمسح الشمال على اليمين وظاهر كفه وجهه. يعني هذه الأمور كلها مسحها النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى الأصل هو الترتيب الذي جاء في القرآن، أن الإنسان يمسح وجهه وكفي. ومن العلماء من قال لا ترتيب في التيمم، التيمم ليس فيه ترتيب. قالوا أن الله عز وجل ذكر الوجه قبل الكفين في القرآن، وفي السنة جاء الكفين أو الكفان قبل الوجه، فجاز هذا وجاز هذا، والله تبارك وتعالى أعلم. ولكن الأفضل أن يلتزم الإنسان بترتيب ما جاء في القرآن الكريم. الإنسان يبدأ بالوجه ثم الكفين، وهو الترتيب الذي يكون في الوضوء كذلك. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. En ce qui concerne donc l'ordre, vous remarquerez qu'ici dans ce hadith, donc il a passé ses mains sur, il a frotté ses deux mains et ensuite le visage, ou bien il a frotté ses deux mains et le visage. La lettre waw en arabe, elle ne veut pas dire forcément un ordre. Lorsque l'on dit Ja'a Zaydun wa Amr, c'est-à-dire Zaydun est venu avec Amr, on ne sait pas qui est venu le premier des deux. Donc certains ont dit que l'ordre qu'il faut utiliser, c'est l'ordre qui est dans le Coran. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. C'est-à-dire que donc, la personne commence par le visage et ensuite les mains. Et c'est également l'ordre qu'il faut adopter pendant les ablutions. Donc la personne commence par le visage et ensuite les mains. Et certains savants ont dit que dans Tayammum, contrairement à l'Wudu, il n'y a pas d'ordre. Donc dans le Coran, il y a le visage avant les mains, et dans la Sunna est venu les mains avant le visage. Donc la personne peut faire cela et cela. Mais donc l'avis de la majorité est quand même de faire comme cela est cité dans le Coran, le visage avant les mains, surtout que c'est l'ordre qu'il y a qui est cité lors des ablutions. فَإِنْسَنْ يَدْرِبُوا دَرْبَةً وَاحِدًا لَا يَدْرِبُوا دَرْبَةً إِنْسَنْ دَرْبَ وَاحِدًا لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وهنا أن يمسح الكفين فقط. شنو الكف؟ هو هذا. فالإنسان لا يزيد على هذا، يعني ما يمسح حتى يعني المرفقين قياسا على الوضوء، يكتفي بالكفين. En ce qui concerne les endroits qui doivent être atteints par le tayammum, donc le visage et les deux mains. Ce n'est pas les deux mains jusqu'au coudes comme pendant les ablutions, non, c'est les deux mains jusqu'au poignet. Ici, il a dit al-kef. Si on avait dit al-yed muhtamal, si on avait dit dans la langue arabe al-yed, ça peut englober du bout des doigts jusqu'aux épaules. Tout ça, ça s'appelle al-yed dans la langue arabe. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit wamsahu waghsilu aydiyakum ila al-marafiq. Donc l'endroit que doit atteindre at-tayammum, donc le visage et les deux mains. Donc les deux mains jusqu'au poignet. On ne fait pas at-tayammum jusqu'au coude. Il y a un hadith à ce sujet, hadith de Abdullah ibn Omar, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit at-tayammum darbatan, darbatun lil wajh wa darbatun lil yadayn ila al-mirfaqin. Donc il y a un hadith la yathbut an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a un hadith qui dit que le tayammum c'est deux, on frappe deux fois la terre avec les mains, une fois pour le visage et une fois pour les mains jusqu'au coude. Mais ce hadith n'est pas authentique. Dans ce hadith donc qui est dans Al-Bukhari ou Muslim, hadith Ammar ibn Yasir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est contenté de frapper une seule fois la terre et de passer ses mains sur le visage et sur les deux mains. هذا هو الذي هناك حديث آخر. عندكم أسئلة؟ هذه question par rapport au التيمم ولا واضح؟ التيمم يعني كالوضوء إذا تيمم فيه أقصد مثلا الصبح إلى الظهر التيمم مثل الوضوء. تيمم الإنسان صحيح حتى يحدث. فما دام الانسان يعني لم يحدث فيصلي عدة الصلوات، يمس المصحف، يطوف الى غير ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.